Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. La jungle des luttes, le programme du CSPCL, comme tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30, retransmis le jeudi matin de 8h à 9h30, avec également la possibilité de retrouver toutes nos émissions de radio sur le blog La jungle des luttes. Donc on est ensemble pour parler des luttes ici, ailleurs, souvent des apatistes pour ceux qui nous connaissent régulièrement en tous les cas, et souvent du Mexique et puis de l'Amérique, mais pas seulement, de ce qui se passe ici aussi. Et donc aujourd'hui, on a en général au mois de décembre, on n'oublie jamais de rendre hommage aux victimes du massacre d'Acteal. Donc voilà, ce mois de décembre sera pas... ce sera pas une exception. On a les copains des Sports Chiapas, c'est une association qui est ici en France, mais aussi avec des gens qui font partie de cette association, qui donc sont au Mexique, au Chiapas précisément, et qui eux depuis des années travaillent avec des communautés qui ne sont pas apatistes, mais des communautés indigènes, paysannes, et qui elles aussi sont favorables à une organisation des communautés, du développement de l'autonomie, et qui en tous les cas a subi un massacre avec donc toute une une difficile période. Donc cet événement, ça sera en première partie avec les copains des Sports Chiapas qui nous ont donc préparé un petit montage. On sera ensuite avec des personnes qui participent via un réseau Facebook à un certain nombre d'activités, d'actions, travail d'information, de diffusion. On les a rencontrés au cours des activités qu'on avait fait le mois dernier. Et donc, elles seront là, puisque c'est trois filles. Elles seront là avec nous pour qu'on parle de ce qui se passe au Mexique, notamment de la question de ces étudiants disparus et tout ce que ça soulève, puisqu'en réalité, évidemment, il y a les 42 disparus au jour d'aujourd'hui, puisque l'un des 43 disparus a été retrouvé, plutôt ses ossements. Et donc on verra tout ce qui se passe du côté du Guerrero. Et on aura une toute petite dernière partie, mais on voulait pas les oublier. Il y a eu le mois dernier à La Parole Errante une journée qui s'est organisée contre la violence policière et la violence et la répression policière. Et donc le dernier programme, on avait le mois dernier passé des témoignages. On n'avait pas pu faire autant que ce qu'on aurait voulu. Donc on essaye de continuer à diffuser ces paroles. Et donc ce sera des familles victimes de la répression policière qui témoigneront. Donc ce sera pour la fin de notre programme. Donc voilà, c'est la jungle des luttes. On va entrer dans le vif du sujet d'ici peu, mais on commence toujours par une petite pause musicale. Volaron las amarillas, calandrias de los nopales. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. A la tiranana, a la tiranana no. Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales. Árboles de la Alameda, porque no han reverdecido. Por eso calandrias canten con la zapatilla el nido. A la tiranana, a la tiranana no. Canten con la zapatilla el nido. Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. A la tiranana, a la tiranana no. Pareces una rosita en las costas de Guerrero. en la medianía del mar suspiraba una ballena y en el suspiro decía el que la seca la llena. A la tira na na na, a la tira na na no. En el suspiro decía el que la seca la llena. Mi padre fue gavilán y yo nací pico pico. Soy como el tarratantán, donde quiera meto el pico. A la tira na na na, a la tira na na no. Todos dan su despedida, pero como está ninguna. A la tira na na na, a la tira na na no. Todos dan su despedida, pero como está ninguna. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21. A la tira na na na, a la tira na na no. FPP 106.3, la jungle des luttes. On est avec Espoir Chiapas qui nous fait un retour sur Acteal. Hommage. Nechkalbe kontontike, shukuntik spaselti amtel sventa lekil kushlehale. Si trabajamos con el corazón, juntos podemos construir nuestro buen vivir. Bonjour à tous les amis qui nous écoutent, ici Anna. Je suis en ce moment au Mexique, un pays dont on parle un peu plus en ce moment et dont la brutalité commence à être connue du monde entier. Je suis en compagnie de Joss, arrivé ici il y a quelques mois et qui s'est particulièrement intéressé à une organisation très active. Alors Joss, le Mexique, des cactus, des plages, du soleil? Pas vraiment, non. On va parler du Chiapas, plus exactement des hauts du Chiapas, là où le brouillard est le passe-montagne des paysages, comme l'a dit un poète, et où vivent des Indiens. D'ailleurs, au Chiapas, environ un habitant sur cinq est indigène. Des Indiens qui vivent dans des tipis ou... Non, pas de tipis, il n'y a pas de tipis, plutôt des cabanes en planches. Oh, c'est pas vraiment exotique. Bon, il arrive tout de même que les maisons soient en adobe. Hein. Alors ces Indiens-là sont des Mayas, bien ancrés dans leur passé, dans leur tradition, dans leur langue, et qui ont commencé à relever la tête il y a un peu plus de 20 ans. Ah, les Zapatistes? Comme les Zapatistes, oui, mais cette fois il va s'agir de leurs voisins, les abejas, les abeilles en espagnol, las abejas. Ce qui m'a intéressé, c'est comment ces gens-là font pour construire leur autonomie. Et c'est-à-dire? Bon, les ressources sont rares, et même de plus en plus rares. Par exemple, les maladies sur le café portent actuellement un sacré coup aux ressources des familles. Et pourtant, les abejas refusent les subventions et les soi-disant cadeaux des gouvernants. Par exemple? À un vieux, les gouvernants proposent de recevoir mensuellement un tiers de SMIC, disons. Ah, un peu comme un RSA, c'est tentant, non? Et ils le refusent? Au sein de cette organisation, oui, ils le refusent. Eux, ce sont des résistants. Mais dans la région, il y en a bien sûr qui acceptent. Dur, non? Ça fait plus de 20 ans que l'autonomie se construit jour après jour chez ces abejas. Ils doivent être bien solides, alors? C'est que ces résistants, eux, tout comme les zapatistes d'ailleurs, considèrent que tout ça, ces soi-disant cadeaux, c'est pour amadouer le peuple, pour le faire taire. Tous les moyens peuvent être bons pour neutraliser les résistances, évidemment, à commencer par l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent. Il faut parler d'un événement très important et très semblable à celui dont parle volontiers la presse internationale ces temps-ci. Pues mi nombre es Simón Pedro Pérez López. Yo soy aquí estoy aquí en Acteal como mesa directiva. Je suis Simón Pérez López López. Je suis de la table directive des autorités des Saveras. Après le soulèvement de 94, le gouvernement a cherché comment détruire les apatistes et leurs sympathisants. C'est pour ça qu'il a commencé à créer les groupes paramilitaires, qui sont des indigènes comme nous. Il a commencé à donner des armes dans les communautés de Chenalo. En 97, les paramilitaires ont commencé à tuer des apatistes. Il y a eu des affrontements. Nous, les Aberras, nous restions pacifiques. Nous voulions juste la paix. Et pas de conflit dans les communautés. Car nous sommes du même sang, de la même chair. Nous sommes tous égaux au Chiapas. Il y avait beaucoup de déplacements de population en ces temps-là. Car nous ne voulions pas coopérer avec les membres du parti au pouvoir qui voulaient qu'on achète des armes pour attaquer les apatistes. Ce qui fait qu'ils ont brûlé nos maisons. Ce qui nous appartenait. Ils ont volé nos bêtes, ils ont volé nos terres. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup de peine. On s'installait dans des campements de déplacés. Ou à San Cristobal. La situation était horrible. Le gouvernement a mis de l'argent pour essayer de nous tromper, pour essayer de changer nos cœurs. Et puis il y a eu un massacre. Un véritable carnage, carnage serait le mot. 45 morts, plus des bébés à naître. C'était... Il y aura 17 ans ce 22 décembre 2014. Je suis Maria Vasquez. Je suis survivante du massacre d'Acteal. Nous étions réunis parce que nous avions reçu beaucoup de menaces. En 97, les paramilitaires passaient tout près de la communauté, en criant. Ils nous menaçaient. Il y avait déjà beaucoup de compañeros zapatistes qui étaient morts. Comme nous sommes catholiques, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes pacifistes. Nous voulons juste la paix et qu'ils ne nous fassent rien. Nous nous sommes dit, nous allons demander la paix en priant. Nous allons nous mettre à jeûner ensemble et au bout de 3 jours, nous espérons que nos prières vont être exaucées. Le deuxième jour de prière, le 22 décembre, nous étions réunis, hommes, femmes, garçons, filles, et sont arrivés les paramilitaires. Ils nous ont entourés. Nous ne pouvions plus sortir de l'église. Nous avons cherché à nous cacher, mais les garçons et les filles ont commencé à crier et à pleurer, et les paramilitaires nous ont vus. Ils ont commencé à tirer. Beaucoup de compañeros et compañeras sont morts. 4 femmes ont été éventrées. On leur a sorti les bébés du ventre. Ça nous fait souffrir. Mon frère aîné est mort. Mon frère cadet est mort. Beaucoup de personnes de ma famille sont mortes durant le massacre d'Acteal. Beaucoup de garçons et de filles ont perdu leur papa, leur maman. Certains ont perdu leur épouse et toute leur famille. Ma cousine était très blessée. Je devais du coup m'occuper de 5 enfants alors que j'avais déjà perdu toute ma famille. Comment allions-nous faire ? Nous avons commencé à analyser, à partager. Nous avons commencé à dire ce qui était en train de se passer à Acteal. Nous ne pouvions pas nous taire. Nous, comme femmes, malgré la tristesse, nous avons commencé à nous organiser, à lutter, à travailler. Nous avons cherché des soutiens pour savoir comment nous pouvions faire pour commencer la coopérative des femmes des Aberras, afin de pouvoir acheter des médicaments pour nos enfants, des aliments. Il faut continuer. Il faut le vouloir. Il faut le faire ensemble. Parce que nous ne pouvons pas faire ça seulement à quelques leaders. Si nous faisons ça ensemble, nous pourrons faire de grandes choses. Maria est aujourd'hui la coordinatrice des Tisserandes Aberras. J'ai cru comprendre que cette coopérative peine à trouver des débouchés. Oui, Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas tellement le choix, en fait. En dehors des productions de subsistance, le maïs, les haricots et les courges, qui sont consommés de manière régulière, quotidienne, eh bien, dans ces montagnes à 2500 mètres, il n'y a que le miel, le café et le tissage pour faire rentrer un peu de sous et assurer la subsistance des familles, et puis faire vivre l'organisation. Ou bien alors, on fait dans le trafic de drogue, le trafic de migrants ou ce genre de choses. Ou encore, on devient un paramilitaire. Et la vente de l'artisanat de cette coopérative constitue un enjeu très important pour les Abéras. El hambre clava y clava sus colmillos en Chiapas, Guatemala y Salvador. Y clama los hermanos masacrados en medio de la guerra y el dolor. No. En 1997, les Abejas ont été attaqués par des gens payés et armés par les gouvernements. Mais pourquoi ? Je n'y vois qu'une seule explication. Pour faire peur. Pour faire peur à ceux qui oseraient se mettre à construire leur autonomie. Attaquer à un tel degré les apatistes, ça aurait été réengager la guerre active qui venait de cesser quelques années plus tôt. C'était trop risqué pour le gouvernement. Attaquer les Abejas, c'était plus facile. Et à l'heure actuelle, les responsables sont quasiment tous sortis des prisons, comme si de rien n'était. Fin septembre 2014, au Mexique, ce sont des étudiants qu'on a assassinés ou enlevés. Je pose la même question. Pourquoi ? Eh bien, même réponse, me semble-t-il. Pour faire peur. Ce pays est gouverné par la terreur. Cette fois encore, il fallait faire peur à quiconque voudrait s'opposer aux fameuses réformes que tous les partis du pays viennent d'adopter cette année, opposition comprise. Ce sont des lois dont se félicitent d'ailleurs les entreprises étrangères, et on les comprend, ainsi que leur gouvernement, à commencer par les États-Unis, mais aussi la France. J'ai lu que ces étudiants n'étaient pas n'importe quel étudiant. Oui, tout comme les Abejas n'étaient pas et ne sont toujours pas n'importe quels Indiens. Des résistants. Viva los pueblos en lucha y resistencia civil pacífica. Viva la vida, viva la lucha, viva la resistencia, viva las Abejas. Muchas gracias. Pues hoy voy a contar un poco sobre la historia de la organización de las Abejas. Esta organización se creó en 1992. Notre organisation s'est créée en 92, suite à un problème de terre. Nous avons lutté pour la libération de nos compañeros innocents qui étaient en prison. Nous avons vu qu'ensemble, nous étions plus forts. Nous avons choisi la voie pacifique. En 94, lorsque nos frères apatistes se sont soulevés, ils ont utilisé les armes. Soyons très clairs, nous sommes d'accord avec les apatistes, avec les accords de San Andrés. Ce que font les apatistes, ça nous sert à nous, comme peuple indigène. Mais nous avons une autre règle. Nous utilisons la voie pacifique. Après 1997, nous avons formé nos autorités. L'organisation a ses propres juges, ses propres autorités, ses commissaires. Nous travaillons dans différents domaines. La santé, la communication, l'éducation à la non-violence, la chorale d'Acteal qui chante ce qu'il s'est passé ici, le théâtre. Dans ce chemin que nous avons parcouru, nous n'avons pas trouvé la justice. Mais nous cherchons comment continuer sur ce chemin. Car nous avons beaucoup avancé. Dans notre travail sur notre autonomie. Nous avons beaucoup souffert, mais nous nous donnons de la force pour aller de l'avant dans notre lutte. On lutte aussi pour une justice, une autre justice, de paix et de dignité. Et il vient de se créer une toute nouvelle radio, ouverte par une demi-douzaine de jeunes de 10 à 26 ans, pas de femmes pour le moment, des moyens plus que réduits, mais alors une détermination, oh là là, 14 heures d'antenne par jour. C'est quoi leur but ? En la organización de las abejas, en Acteal, hay una radio comunitaria que transmite las injusticias que está pasando, que estamos viviendo en nuestro pueblo y en nuestro estado y en nuestro país. Dans l'organisation des Aberras, il y a une radio communautaire qui fait connaître les injustices que nous vivons dans nos villages, dans notre État et dans notre pays. Nous savons que les médias du gouvernement ne mentionnent jamais les injustices. Dans tout le pays, il y a beaucoup de violence. La situation ne fait qu'empirer. C'est pour ça que nous pensons, dans l'organisation des Aberras, qu'il est important de créer notre propre moyen de communication pour dire la vérité, pour dire ce qu'il se passe. Il y a beaucoup de communautés qui sont maintenant du côté du gouvernement et qui reçoivent donc ses soutiens et ses subventions, comme le financement de maisons, etc. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Et c'est d'ailleurs fait pour. C'est fait pour que plus de gens quittent la lutte. Nous, nous voyons que c'est juste une duperie du gouvernement, pour qu'un jour, il leur fasse payer leurs dettes. Nous, de l'organisation de las Aberras, avec la radio, nous dénonçons ce qui est en train de se passer. Le gouvernement est mauvais pour les indigènes. Nous savons que dans nos villages des hauteurs du Chiapas, il y a beaucoup de richesses naturelles. Et c'est exactement ça que veut le gouvernement. Ce sont ces richesses naturelles de la terre. Mais nous, comment allons-nous vivre sans terre ? La tierra es nuestra madre, ¿no? Ahí nacimos, ahí comimos y ahí vamos a morir. Todos somos hijos de la tierra, ¿no? Y por eso nosotros es muy importante defender la madre tierra. No hay que vender ni proyectos con el gobierno, ¿no? La tierra no se vende, sino que se defiende. Nous vivons d'elle, avec elle, pour elle. La terre est notre mère. Et c'est avec elle que nous sommes nés, c'est avec elle que nous vivons, et c'est avec elle que nous allons mourir. Nous sommes tous les fils de la terre. Voilà pourquoi, pour nous, c'est très important de défendre la terre mère. C'est pour ça qu'il ne faut pas la vendre. La terre ne se vend pas, elle se défend. Nous travaillons contre le gouvernement. C'est pour ça que nous ne voulons aucun soutien économique de sa part. Nous sommes indépendants. Nous cherchons comment nous pouvons avancer, comment nous pouvons survivre en tant que médias de communication autonome. Nous savons bien que ce n'est pas simple à faire et que c'est difficile de faire les choses. Notre matériel et notre équipement est totalement insuffisant pour diffuser et pour pouvoir bien travailler. Mais on y donne du cœur. La radio émet en espagnol ? Non, le jeune de la radio qui a parlé et puis les autres auparavant qui se sont exprimés en espagnol. Mais non, la radio est en tzotzil, la langue de cette région. Et ça, ce n'est pas rien hein, de décider d'avoir non seulement une radio en propre, mais dans sa propre langue. Il y a environ 400 000 personnes qui parlent tzotzil, et ce nombre ne décroît pas, si j'ai bien compris. Et alors, pourquoi avoir réalisé la présente émission en français ? Ah ben en français, oui, mais pas seulement. Hein. Il y a aussi des versions en espagnol, en breton, et même en québécois. Eh bien, pourquoi ? C'est justement pour soutenir cette initiative. Les radios communautaires prennent de gros risques dans ce pays, il faut le savoir, ça. Il faut savoir que le Mexique est le pays le plus dangereux du monde pour les journalistes. Alors cette initiative, il faut la soutenir tout simplement. Si trabajamos con el corazón, juntos podemos construir nuestro buen vivir. Por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Desde hace tiempo que se mata como un juego. Y al estudiante le tocó pasar por ello. Ya no dudaron en los gatillos jalar y esas cabezas sentenciaron las balas del policial. Mejores condiciones fue la voz que levantaron. Un futuro mejor acorde a lo que estudiaron. Y es que ya no hay más opción, ya no hay condición para sentarse a que te engañen en una negociación. La calle es nuestra y fue tomada. Era un bloqueo donde ellos no pierden nada. Enfrentamiento ante un torpe desalojo, pero el ruido de sus balas derrotó al pueblo sin armas. Hoy son más muertos que se suman a la historia de un sistema que desde antes asesina, quema ropa, que desde su existir no nos deja ni vivir. Y el sistema educación cada vez está peor. No nos engañarán con sus cínicos montajes. Sabemos que las balas son de fuerzas policiales, que aunque cesen a un agente que es quizás el responsable, la historia se repite como ya lo han hecho antes. Seamos pueblo y actuemos como pueblo. Que no nos coma este gobierno con sus medios. Hay que sacar la cara por los nuestros. Hay que enseñarles quién gobierna en el terreno. Tomemos bases de ejemplos como Chile. Tomemos bases de ejemplos como Grecia. Ya basta de poner la mejilla en vez del puño. Y dejemos una historia para vivir con más orgullo. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar la realidad no cambiará. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar la realidad no cambiará. No puedo entender por qué tanta pasividad. El gobierno brutalmente asesina sin piedad. Y nosotros muy tranquilos desde casa condenar. Pero nunca salir y al Estado enfrentar. En esta ocasión fueron 3 asesinados. ¿Cuántos muertos más para salir necesitamos? Policía federal o estatal. Para mí es la misma mierda basura del sistema que sin ningún titubeo disparará para defender los intereses de ese gran capital. Que cuida celosamente tras sus armas accionar. Que cuida celosamente tras sus armas accionar. Tenemos que reaccionar de una manera actual. Que tenga muy presente la venganza llegará. Que vivan con el temor de que esto se acabó. Propaganda por el hecho, el camino de la acción. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar la realidad no cambiará. No enciendas velas, enciende barricadas. Saca la cara por los compas que nos matan. Ellos tiran balas, aquí pasividad. El solo dialogar la realidad no cambiará. En 106.3 FPP, Fréquence Paris Pluriel, c'est le programme du CSPCL, Comité de Solidarité avec les Peuples du Chiapas en Lutte. C'est la jungle des luttes, donc on était tout à l'heure au Chiapas, au Mexique, et on continue, on remonte un peu plus vers le centre, et donc on va être centré sur la question du Guerrero et des disparus et de la répression. Vous en avez sûrement entendu parler parce que ça a été très médiatisé. Et donc, on a justement les filles du réseau Facebook avec nous ce soir, qui sont là peut-être pour nous parler de ce qu'elles ont comme information et de ce qu'elles analysent. Et puis, peut-être nous parler aussi de ce réseau, comment nous, on vous a rencontré il y a un mois sur des actions qu'on avait faites par rapport à l'occasion de la fête des morts. Et donc, pour rendre hommage à tous ces morts et dénoncer la répression, on avait eu des actions auxquelles on s'était joints mutuellement, vous d'un côté et nous de l'autre. Donc, c'était à ce moment-là qu'on s'était croisés. Et donc, racontez-nous peut-être comment ça fonctionne, ce réseau. Qu'est-ce qui vous a motivé et comment ça fonctionne? Parce que du coup, vous êtes à peu près tous mexicains, peut-être, ou pas forcément. Et en tous les cas, tous attachés au Mexique et tous à avoir vécu au Mexique et ici aujourd'hui en France. Oui, on est pratiquement que des Mexicains. Il y a quelques Français aussi, mais c'est presque que des Mexicains. On s'est rencontrés dans plusieurs actions convoquées par des réseaux déjà établis. Mais du coup, on est des personnes plutôt indépendantes, qu'on était inquiets par la situation mexicaine. Et on a commencé à créer un réseau Facebook. Et du coup, il y a des gens qui se sont mis aussi dans ce réseau. Et c'est un endroit où on peut appeler à tout le monde pour des actions. Mais en fait, il n'y a aucun lien à part les actions qu'on fait chacun. Du coup, vous n'êtes pas lié à une organisation quelconque ni à une association. Mmh. Et donc, vous fonctionnez via Facebook. Du coup, vous vous rencontrez, vous discutez, vous organisez, vous êtes là ce soir. On vous en remercie d'ailleurs. Et alors, vous vouliez précisément nous parler de cette situation inquiétante du Mexique. Et qui c'est qui commence? Vous allez peut-être nous présenter un peu ce dont on parle exactement, puisque peut-être que tout le monde n'est pas au courant ou une vague idée sans savoir ce qu'est réellement cette situation. Et oui, cette histoire a commencé le 26 septembre. C'est un jour où des étudiants, un groupe d'étudiants de l'école rurale, école normale rurale d'Ajotzinapa, était parti dans une grande ville de la région pour faire la quête. C'est une école qui a des difficultés économiques. Toutes les écoles rurales et normales rurales au Mexique sont petit à petit étouffées par le gouvernement. On limite leurs ressources économiques. Et donc, ces groupes d'étudiants sortaient dans la ville d'à côté pour faire la quête, pour récupérer un peu d'argent, et ils rentraient chez eux quand ils ont été interceptés par la police. Il y en a 6 qui ont été tués sur place. Il y en a eu 43 qui ont été disparus. Et depuis, on est toujours à la recherche de ces jeunes étudiants d'Ajotzinapa. Sur les 6 premiers, en fait, il y en avait 3 qui étaient justement pas des étudiants, qui étaient des gens qui passaient, ce qui montre aussi du coup le côté arbitraire et violent de l'attaque aussi. Tout à fait. Et peut-être qu'on peut aussi resituer vite fait ce que c'est une école normale rurale, parce qu'en France, on n'a pas forcément d'équivalent véritablement. Ben, en fait, les normales rurales, elles ont été créées, il me semble, dans les années 30. Et c'était un peu dans cette idée de l'éducation socialiste au Mexique, où il y avait un gouvernement qui pensait un peu comme ça. Et ça a été des écoles qui étaient pour les paysans, pour pouvoir éduquer, disons, ceux qui allaient être les prochains profs dans le milieu rural du pays. Donc, disons qu'il y a toute une tradition de lutte dans ces écoles-là, parce que c'est pas uniquement le fait d'enseigner à être prof qu'ils enseignent ici, mais c'est aussi toute une tradition de pensée politique, de conscience de la situation économique du pays. Dans les années 70, il y a eu quelques guérillas au Guerrero aussi, et quelques dirigeants en fait sont sortis de ces écoles-là et se sont retrouvés avec une situation très préoccupante, avec un manque d'égalité brutal. Donc ils ont commencé à se mobiliser contre l'État, et la répression, elle a été aussi très brutale à ce moment-là. Donc disons que ces écoles-là, elles ont aussi une trajectoire très importante de lutte et de répression. Parce que du coup, l'aspect rural, c'était aussi une façon de donner accès à cette éducation à des populations pauvres et paysannes aussi, qui du coup sont vouées du coup à rester dans un circuit fermé si on donne pas la possibilité de pouvoir les faire sortir sur des activités justement d'éducation et de transmission avec un rapport à comme une sorte d'éducation populaire, avec une vocation justement à enfin j'ai dit ça parce que du coup on dit rural, c'est aussi dans cet aspect là voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, sur les 3 personnes qui ont disparu, il y a eu les 3 autres et qui ont été des personnes qui sont retrouvées attaquées par le champ de bataille. Et c'est là qu'il y a 43 étudiants qui ont disparu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit à ce moment-là par rapport à la disparition, ce qui s'était passé sur le traitement de la formation? Ça a été... Et à ce moment-là, il y a ils ont été pris par la police fédérale et... ça venait d'un ordre donné par le gouvernement local qui justifiait l'attaque aux jeunes en disant qu'eux, ils ne faisaient pas la quête, mais ils se disposaient à aller boycotter une action du gouvernement. Il y avait la première dame de la région qui allait présenter sa candidature pour les élections municipales. Donc à partir de là, ils se sont dit, mais ces jeunes révolutionnaires, ils viennent sûrement boycotter cet acte politique, donc il faut les empêcher d'y arriver. Et bon, il y a eu, il y a la police fédérale, les militaires et le narco qui sont intervenus, et c'était la version officielle. Disons que la version officielle a beaucoup essayé de dire que c'est un problème local, comme quoi il y avait un maire complètement fou qui avait des liens avec les narcos et que c'était juste un problème de Iguala et que ça n'avait rien à voir avec une situation nationale du pays. Et du coup, on se demande... D'autant que, ce fameux maire était, au bout de 2 jours, avait fui avec sa femme. Oui, aussi, voilà. Et puis après, ils l'ont rattrapé, mais je veux dire, eux, ils essayaient vraiment et ils essayent encore de focaliser le problème. Comme si c'était juste quelque chose des gens qui avaient des liens, que c'était une exception. Mais on se demande un peu pourquoi Ayotzi n'a pas déclenché tant de mobilisation et tant d'indignation dans tout le pays. Et je pense que ça a à voir aussi que c'est pas du tout un problème local. C'était juste un petit exemple de ce qui se passe dans pratiquement tout le pays. Là, on pourrait dire qu'il y a quelques exceptions où c'est pas le cas, mais dans la plupart du pays, c'est une situation assez similaire où il y a un lien très fort entre les autorités locales, étatales et même fédérales avec les crimes organisés. Et moi, seulement, je voudrais clarifier que l'information... ils ont essayé de réduire les actes parce que l'alcalde, le lendemain, on lui demandait mais qu'est-ce qui s'est passé avec les 43 ? L'alcalde, c'est le maire. Le maire, qu'est-ce qui s'est passé avec les 43 disparus ? Il me dit, je ne sais pas, il était dans son bal. C'est sa réponse. Donc, pour voir l'attitude des mépris vers les étudiants, donc c'est après... qu'on l'a attrapé parce qu'il y a la mobilisation, mais au début, on s'est dit que c'était rien du tout, quoi. C'était comme si c'était des 43 poulets qui avaient disparu parce que le monsieur était dans son bal. C'était ça sa réponse officielle, le lendemain de la disparition. Et c'est important ce qu'elle dit parce qu'en fait, ils sont tellement habitués au fait que rien ne va se passer. Et ça, Dire tout et n'importe quoi. Mais ils peuvent pas juste dire, ils peuvent faire n'importe quoi jusqu'à point où ils peuvent disparaître 43 personnes et tuer 6. En plus, il y a eu un fait très violent avec un étudiant à qui on a égorgé la figure. Je veux dire, c'était très très violent. Donc, ils sont habitués qu'ils peuvent arriver à ces extrêmes-là et il y aura aucune punition. Il y aura un niveau de d'impunité totale. Et c'est pour ça que par exemple, ce maire se permettait de dire juste comme ça « Oh bah oui, non, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé » et que c'est lui qui a donné l'ordre. Et mais, alors du coup, c'est lui qui a donné l'ordre et du coup, lui, ceux qui ont attaqué, c'est des gens qu'on dit être liés donc, au narcotrafic, si on peut dire. Donc on dit que forcément, le maire est complètement lié au narcotrafic dans la région et par contre, il y avait la présence des militaires aussi qui étaient quand même dans la région. Donc ça, les militaires, ça relève du niveau fédéral, c'est-à-dire du président de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'attitude ? Parce que comment on comprend en fait le fait qu'il puisse y avoir donc de tels actes avec une présence militaire, puisque le pays, de manière générale, est militarisé, encore plus cette région qu'une autre, puisqu'il y a depuis des années une présence de groupes armés, puis depuis... depuis aussi quelques années de la présence de groupes de narcotrafiquants et de délinquance, crime organisé. C'est quoi le lien ? Il n'y a pas lien, il y a guerre entre eux, il y a... On peut dire qu'il y a une militarisation illégale du pays, parce que ça a commencé avec les anciens présidents, la lutte contre les narcotrafiquants, et donc ils sont postés... À Guerrero, toujours, il y a eu des militaires. Donc, même sans guerre, etc., parce que toujours, c'était un État avec beaucoup des réponses sociales. Et donc, par exemple, dans ce cas en particulier, on dit les survivants qui sont appelés à l'aide parce qu'il y a une station de l'armée dans la ville. Ils sont allés chercher et personne n'est sorti pour les aider. Mais en Mexique, l'armée, c'est une force de répression, quoi. C'est pas pour protéger la population. En Mexique, il a plutôt un rôle de répression des mouvements sociaux, particulièrement à Guerrero y en Chiapas, on peut dire. Et je pense maintenant, bon ça on l'a les toucher après, mais disons qu'il y a une nouvelle version de fait. Parce qu'en fait, la version officielle, c'est que c'est la police municipale qui les a kidnappés. Et maintenant, on met en cause la police fédérale et l'armée même. Ça, c'est le nouveau, ce qu'on a vu aujourd'hui. La nouvelle version des faits qui sont faits des journalistes avec des témoins vidéo et des témoignages personnels. Parce qu'avant, c'était seulement ce niveau local. Vouloir donner un niveau local à l'incident, quand c'est nécessairement, apparemment, c'est un incident à niveau fédéral, clairement. Ce qui se connaît à peu près du rôle de l'armée dans ce jour-là, c'est que, bon, effectivement, ils étaient à 10 minutes en voiture et ils ont reçu des appels d'urgence. Il y a aussi une version comme quoi la femme du maire a appelé les militaires. Il y a des preuves qu'il y a eu des communications là, des contacts. Et aussi, ce Omar Garcia, qui est là le vocero des pères des familles, il donne la version comme quoi les militaires, quand tous les jeunes ont pu se sauver, donc ceux qui ne sont pas été arrêtés, ils ont pu se sauver. Ils étaient cachés dans une clinique où ils les ont très mal reçus. Ils étaient très, très... Il y avait un mépris et ils étaient vraiment... Je crois même qu'on n'a pas voulu les soigner. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et à ce moment-là, il y a l'armée, des membres de l'armée qui sont arrivés et ils les ont pris en photo et ils les ont même menacés. Je veux dire, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe avec l'armée et c'est, disons, l'acteur que personne ne veut nommer. Parce que c'est, voilà, les versions actuelles, c'est qu'il y a eu un lien direct et que ce n'était pas juste une petite question entre le local et le crime organisé. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite, on continue. Tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marco tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Me gustó la San Marqueña, esa del vestido blanco, me gustó la San Marqueña, esa del vestido blanco. Barranco, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Por las calles de San Marcos hay casas y corredores, por las calles de San Marcos hay casas y corredores. Ya llegó tu fiel amante, tu preferido de amores, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Quisiera si pudiera ponerle puente a la mar, yo quisiera si pudiera ponerle puente a la mar, para que la vida mía dejara de navegar, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Soy del agua y soy del Tule y también del camalote, soy del agua y soy del Tule y también del camalote. Tienes valor de guindule y además con sopilote, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Sopilote, ¿dónde viene? Vengo de la mar oscura. Sopilote, ¿de dónde viene? Vengo de la mar oscura. Me apuesto con lo que sabe, no contigo a trompadura, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. En los cerros nacen tuna, en los planes y cayote, en los cerros nacen tuna, en los planes y cayote, en las cabeceras viejas se cagan los opilotes, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Ahí le va la despedida, como mami, a lo de loja morada, ahí su patada, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. PP 106.3, la jungle des luttes, programme mensuel du CSPCL. Donc, on continue avec les copines du réseau Facebook et donc on était en train d'aborder la question des disparus au Guerrero, à Iguala, dont tout le monde a entendu parler. On essaye un petit peu de dépatouiller cette histoire puisque ça n'est pas fini. Tout d'abord, ils sont toujours disparus et puis ça révèle plein de choses puisque c'est pas du tout un cas isolé. La violence, la répression, la disparition... par contre, c'est un événement qui a permis de mettre en lumière sur la scène internationale et qui a déclenché également quelque chose au niveau du pays. Et donc, les copines vont nous en parler. Qui c'est qui commence? T'y vas, coup d'œil, droite, gauche? Oui, je pense qu'en ce moment, le Mexique vit un moment assez important de mobilisation sociale. On n'avait pas vu ça depuis peut-être les mobilisations pour les zapatistes, mais en fait, c'est assez. On n'est pas là, mais ce qu'on entend d'ici, c'est que c'est vraiment très important et on peut voir qu'il y a vraiment une mobilisation des secteurs qui n'étaient pas mobilisés et ceux qui étaient déjà mobilisés commencent à tenir des liens. Par exemple, on en parlait, c'est très important ce que les pères de famille, on pourrait dire que c'est un peu comme la tête du mouvement, c'est les pères de ces 43 étudiants. Et aussi quelques étudiants qui étaient pendant la nuit du 26 septembre, mais qui ont pu sauver. Et c'est eux qui, disons, que donnent la ligne à peu près de ce qui se passe. Eux, ils ont fait un parcours dans le Mexique, un parcours vers le centre du Mexique, vers le sud du Mexique et dans le Guerrero. Et ils commencent à tenir des liens, par exemple, avec les zapatistes. Et il y a eu des discussions entre eux. Je pense que c'est assez important de le dire parce que c'est vrai que le Mexique, c'est un pays où il y a beaucoup de luttes, beaucoup de résistance pour des projets néolibéraux, à cause de la répression, à cause des réformes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'histoires de lutte et il y a plein de mouvements. Et du coup, ça permet aussi de commencer à ou renforcer les liens qui étaient déjà. Donc la mobilisation, en plus d'un autre côté, elle est très effervescente. Dans toutes les grandes villes, il y a des mobilisations pratiquement toutes les semaines, pour dire tous les jours, parce que j'avais entendu qu'il y avait 200 ou 250 mobilisations depuis 2 mois et demi. Donc je ne sais pas combien ça fait par jour, mais c'est pas mal. Et je pense que le cas Ayotzinapa, ça a touché tous les Mexicains, en fait, parce qu'on pourrait dire même que presque tout... Aucun Mexicain, il a soit très près, soit inconnu, qui est victime d'une répression, soit du crime organisé, soit de l'État mexicain. Donc il y a une identification très importante avec ce cas, qui est un peu... C'est vraiment la violence extrême, ce qui s'est passé là. Mais c'est à peu près, dans un autre niveau, ce que la plupart des Mexicains vivent tous les jours. Et ça, c'est très important ce que tu dis, parce que... C'est vrai qu'on rencontre maintenant des gens qui s'étaient jamais mobilisés avant. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler que le Mexique, à différence du reste des pays de l'Amérique latine, n'avait jamais vécu une dictature officielle, mais des dictatures cachées qui utilisaient des méthodes de dictature, des semer la terreur dans la population pour qu'il reste inactif. Donc il y a des générations et des générations qui sortaient pas dans la rue parce qu'ils avaient peur. Donc il y avait ceux qui s'est manifesté, c'était, je vais dire, toujours les mêmes, toujours ceux qui étaient très sensibles, ceux qui étaient victimes. Et là, il y a eu un réveil, les gens dans les villes même, parce que d'habitude, c'était aussi les victimes de la campagne, mais les gens des villes étaient éloignés de ces réalités et aujourd'hui, ils se sont dit, c'est pas possible, nous, on veut plus un pays comme ça. Il y a eu un ras-le-bol, non ? Ce qu'on appelle un ras-le-bol. Ouais, quelque chose que tu voulais ne pas voir et que tu ne peux plus ne plus voir, quoi. Ça y est, maintenant, c'est devant les yeux. Mais ceci dit, moi, précisément, j'étais au Mexique à cette époque-là, du fin septembre jusqu'à début octobre, et moi qui connais ce pays pour le voir quand même se mobiliser, etc. Donc, quand même un pays qui se mobilise beaucoup plus que la France et qui a des projets, enfin des organisations qui peuvent mettre des projets de lutte contre des projets capitalistes, etc. Du coup, tous ces tous ces mouvements et ces organisations qui, pour moi, donnaient quand même une grande effervescence. Précisément, pendant une semaine, quand j'étais là-bas sur place, j'ai rien vu, rien senti, comme une sorte de tout le monde abasourdi. C'est-à-dire que vraiment, la nouvelle, tout le monde l'a prise, ça a été quand même comme un choc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous amorphes, ils réagissent pas, la coupe est pleine, c'en est trop, ils ont vraiment peur au point de plus sortir. Et il y a qu'après une semaine que finalement, ça a commencé à sortir de façon organisée et massive, comme on sait le faire au Mexique, etc. Et donc là, ça prend de l'ampleur, ça fait boule de neige. Mais moi, j'ai été frappée par la première semaine où, comme une sorte de qu'est-ce qui est en train de se passer là, effectivement il y a un truc qui va se basculer quoi, ça. Ouais. Et tu sentais que ça la bascule là, parce qu'on pourrait pas, on pourrait pas dire non plus que il y a eu pas de mobilisation à cause de la violence au Mexique. Moi je dirais tout le contraire. La violence au Mexique, elle a commencé à peu près il y a 10 ans, on pourrait dire, fin du gouvernement de Vicente Fox, et après à partir du gouvernement de Felipe Calderón, ça a été vraiment la militarisation du pays, et ça a été une montée de la violence très importante. Mais les mobilisations dernièrement, par exemple en 2011, il y a eu ce mouvement de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad avec Javier Sicilia et toutes les familles des victimes, qui était assez important, mais disons que ça rassemblait une partie de la population. Après, en 2012, le mouvement des étudiants du 832, aussi contre la corruption et l'imposition de ce président actuel. Et en 2013, tous les mouvements des professeurs. Donc, avec ça, je veux dire que dans les dernières années, quand même, il y a eu vraiment une réponse sociale à la situation du pays. Mais on n'avait pas vu le rassemblement de tous ces secteurs sociaux et, comme on vient de dire, des acteurs qui n'étaient pas mobilisés. Cependant, je pense que la mobilisation, elle est très importante, mais il y a en partie la société très conservatrice, très très conservatrice, même extrême droite, qui s'est dit, bon, si ça allait arriver, c'est pour quelque chose, et qui demande la main dure. Pas seulement les entrepreneurs, hein. C'est surtout la classe moyenne et classe populaire urbaine. Ça, je l'ai lu et je pense que je suis d'accord dans un article de Guillermo Almeida qui s'appelle « Mexique, la révolution de Peña Nieto ». Il dit que s'il y a des forces qui se mobilisent, mais il y a une partie de la société mexicaine très conservatrice que même dans cette atmosphère de violence au quotidien et parfois banalisée, et ils se disent qu'ils l'ont mérité. Je dis ça aussi grave parce que moi, j'ai effacé quelqu'un de Facebook parce qu'il me dit ça, on se dit ça à moi. Je me dis, mais écoutez, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Pop. Quelqu'un qui dit que si l'ONU, c'est pour quelque chose. Oui, ils l'ont mérité. C'est le mépris qu'il y a vers les sombres, vers les pauvres, vers les paysans, et beaucoup aussi des côtés indiens, parce qu'ils viennent des régions reculées où je crois qu'il y avait au moins 2 des disparus qui sont des frères. Ça, c'est terrible. C'est 2 frères qui sont arrivés sans parler espagnol. Et apparemment, personne, il est encore pas réclamé, parce que je sais pas si personne on allait. Ne sait pas. On sait, les parents, ils sont pas venus réclamer ces 2 frères, et on sait pas si les parents ils sont au courant ou pas, parce qu'ils sont ils viennent d'une communauté très éloignée dans la Sierra de Guerrero. Oui, ce que tu dis, c'est un phénomène assez connu des dernières années. En fait, quand il y avait une victime, je sais pas, il y avait quelqu'un qui était tué, et on savait pas vraiment pourquoi il avait été tué, ou il y avait, oui, quelques morts comme ça, une réponse assez étendue, c'était certainement il était dans quelque chose. C'est-à-dire il y avait une criminalisation. Il a forcément fait quelque chose pour être arrivé là. Voilà, une criminalisation brutale de la victime. Et du coup, quand les victimes ne sont plus 20, ni 100, ni 1000, mais ça fait des dizaines de centaines de victimes, on commence à se demander si effectivement c'était des criminels, quoi, parce que il y a, je veux dire, la question de la répression et de la violence au Mexique, ça a pas juste voir avec cette guerre contre les narcos. C'est un peu le prétexte aussi pour pouvoir faire toutes les réformes économiques. Je veux dire, il y a aussi la violence, elle sert pour quelques parties de la société, parce que ça crée de la terreur et ça empêche que les gens réagissent contre quelque chose. C'est très clair, par exemple, les liens entre les grands entre les grands projets néolibéraux et la répression. Il y a pas mal de leaders communautaires indiens qui luttent contre, je ne sais pas, un projet de mine ou un projet dans leur territoire, qui sont assassinés. Et comme le copain Yaki. Enfin, voilà. Qui, et qu'on dit immédiatement, mais non, en fait, c'était les narcos. Donc, il y a aussi un lien très important là qu'il faut souligner, parce que c'est vrai que ce n'est pas juste une violence incompréhensible, que c'est des narcos qui tuent n'importe qui. Ah non, elle est aussi très sélective. Je pense que le Mexique, il a toujours réprimé, comme on disait, il n'y a pas eu de dictature déclarée, mais il y a eu toujours des méthodes de pouvoir qui se sont imposées avec une corruption et un niveau de mainmise sur les syndicats, les ci, les ça, l'organisation sociale, etc., etc. Après, je pense que ce qui change, c'est précisément la question du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir politique, pour le pouvoir politique, avec la possibilité de s'enrichir, comme l'ont tous fait, avec aujourd'hui plutôt le pouvoir qui est en train de se céder à des grands groupes avec du coup des multiples têtes, et donc ça complexifie la situation. Toutefois, c'est effectivement facilement vérifiable qu'il y a une forte répression là où il y a des intérêts économiques et un oubli total des populations là où il n'y a rien à exploiter. Donc ça, c'est de plus en plus flagrant. Après, du coup, peut-être qu'on n'a pas beaucoup mis l'accent sur comment ça se fait que ça tombe sur Ayotzinapa. Donc, on a parlé aussi du côté historique et emblématique et symbolique de cette école. Après, je ne sais pas si finalement c'est cet événement qui a déclenché, parce que les gens étaient subjectivement prêts à décoller à n'importe quel événement. C'est-à-dire que peut-être il y aurait eu un autre événement et ça aurait pu déclencher parce que c'était le moment, ou c'est tout simplement parce que c'était des étudiants. En même temps, il y a des disparus. Il y a des dizaines de milliers de disparus et des dizaines de milliers de morts depuis des années. Et du coup, on n'avait peut-être pas beaucoup mis en avant, je ne sais pas si... Je pense que le fait que... Enfin, le rôle de cette école rurale, c'est pas anodin dans le fait que c'est eu cette ampleur, cette répercussion dans la population. C'est-à-dire, les survivants de cet acte terrible du 26 septembre sont revenus, et c'était des gens qui étaient d'un esprit critique et qui ont tout de suite donner un témoignage de ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est-à-dire, il y avait une ambiance déjà et contestataire et je ne vais pas dire révolutionnaire, mais qui ont su lever la voix. Ça, c'était un premier moment, non ? Et les parents se sont rapidement unis, rassemblés, se sont encerclés dans la... encerclés dans la normale et ont communiqué à l'extérieur. Ensuite, Guerrero, comme on le disait tout à l'heure, c'est traditionnellement un état de lutte. Donc c'est une population qui réagit rapidement. Ensuite, et le fait que c'est un cas qui a mis en évidence, qui a mis plein de choses en évidence, non ? C'était la pointe de l'iceberg qui reflétait une réalité du pays, c'est-à-dire le lien entre l'État et le narco. Je pense que ça a été mis clairement avec un cynisme qui a frappé tout le monde, non ? À chaque fois, c'était probablement le gouverneur à un lien lointain avec. Mais là, c'était clair, non ? Ils ont donné l'ordre, les autres ont exécuté. Donc, il n'y avait pas de doute, non ? Et on peut, pour répondre, Guerrero, il y a une longue histoire de lutte, mais aussi de répression. Il y a les caciques, on dit, il y a beaucoup de caciquisme, que c'est des soi-disant chefs avec une représentation informelle de pouvoir, que parfois ils sont aussi la représentation formelle, qui sont gouverneurs, maires, etc. Et c'était en particulier dans les années 70, il y a eu la guerre sale, où il y a eu à moins, je pense, 500 disparus à peu près dans la décade des années 70. Et donc, le guerrillero Lucio Cabañas, qui est ancien élève de cette école d'Ayotzinapa, qui est parti à la guérilla. Et donc, je pense que c'est toute une histoire de répression et toute une histoire de lutte du peuple de Guerrero qui s'est cristallisée cette fois-ci et Aguas Blancas aussi, par exemple, Guerrero aussi, un groupe de paysans a été assassiné et que jamais il y a eu vraiment les coupables. On savait que c'était le gouverneur, mais enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que c'est arrivé là. Il y a beaucoup d'histoires, de répression et de luttes. Voilà. Et cette école-là aussi, il y avait, disons que l'image nationale de l'école de Ayotzinapa a beaucoup changé. Ils avaient fait toute une campagne vraiment très effective envers ces étudiants-là, parce que, comme on vient de dire, toutes les écoles normales, en fait, elles baissent, le gouvernement baisse baisse les subventions, voilà. Donc tous les ans, mais c'est vraiment tous les ans, c'est une tradition, je dirais, qui se transmet de génération en génération, il y a une lutte pour maintenir leurs droits comme étudiants ruraux et tout ça. Donc il y a vraiment un mépris absolu envers ces écoles-là, et il y avait toute une campagne pour les négatifs contre eux, en fait, non ? Donc oui, ils font n'importe quoi, ces étudiants qui ne font rien, on doit fermer les écoles. Par exemple, la réforme éducative, elle était aussi pour fermer ce genre d'école parce que ça, elle sert à rien. Et là, l'image de ces écoles, elle a été complètement changée parce que du coup, tous les étudiants, on s'est identifié avec eux. C'était des étudiants comme nous. Et avant, il y a 2 ans, il me semble, un ou deux ans, je ne me souviens pas, mais 2 étudiants ont été assassinés dans cette école-là. Ils étaient en train de bloquer la Carretera del Sol et la police leur a tiré dessus. Et il y a eu quelques réactions, mais c'était aussi dans des secteurs assez limités. Et là, ça a été plutôt national, la réponse de la répression contre eux. On va faire une petite pause musicale et on continue pour voir comment on continue la solidarité avec toutes ces luttes. La gente despierta, la gente que no está conforme se manifiesta. Es la protesta, la voz que el pueblo alzó, porque más injusticias ya no aguantó. Porque cuando el pueblo se organiza, salen las cosas. Es como una tormenta que se compone de gotas. Cada pieza en un rompecabezas necesita de otra. Cada parte en un navío, si las otras no flota. No hay peor derrota que la de aquel que no intenta, de aquel que poco actúa, pero mucho se queja. De los que solo hablan de dientes para afuera, aunque afortunadamente unos sí tienen conciencia. El pueblo espera que los malos se vayan, que exista justicia y no solo palabras. Para que sepan, la gente está preparada, y si no hay un cambio real, volverán las barricadas. ¿De dónde son? son de la barricada. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On reprend avec ben voilà, ce qui, le Mexique. Et donc, les nouvelles, ben les nouvelles, on les connaît depuis longtemps. C'est la répression, l'infamie, l'impunité, blablabli. On est avec les copains, les copines du réseau Facebook. Ils nous diront à la fin, avant de s'arrêter, comment éventuellement vous pouvez entrer en contact, ben justement, via la page Facebook. Et on va parler peut-être un petit peu de ce que vous voulez pour finir. En tous les cas, il y a un moment ou un autre, il faudra parler de la complicité des pouvoirs français qui finalement légitimisent ces pays qui sont encore démocratiques, dit-on, avec tout ce qu'on vient d'entendre. Ça laisse... Effectivement, c'est inquiétant la posture des gouvernements français parce qu'ils légitiment de toutes ses forces... un état répressif et pas démocratique du tout. Donc, par exemple, le président Enrique Peña Nieto s'est invité d'honneur le prochain 14 juillet ici en France pour l'anniversaire de la Révolution française. Et ça me paraît carrément hallucinant. Grotesque. on comprend pas. Et pourquoi cette besoin, certes, le commerce n'est pas interdit, d'accord, mais est-ce que c'est indispensable de donner des honneurs et légitimer un régime à tout, que la moitié de Mexique au plus, et même ailleurs, accuse comme un état répressif et antidémocratique? Monsieur Laurent Fabius, quand il a reçu son homologue mexicain, il l'a mis dans son Twitter, que le Mexique restait quand même un État démocratique. Donc, c'est sûr, il y a un petit piquet manif des manifestants qui ont été allés au ministère et ont été accompagnés gentiment jusqu'au métro. Et donc, c'est ça que nous, on ne comprend pas. Pourquoi l'État français se donne tous ses mal pour dorer le blason de ces gouvernements à nos yeux, hein, corrompus. Et... aux yeux de tout le monde, finalement, parce que même eux, entre eux, ils se dénoncent comme certains seraient plus corrompus que d'autres, etc. Donc il y a une sorte d'évidence. Ben, je pense que pourquoi la France, d'abord, notamment parce qu'elle a dernièrement des relations commerciales qui sont assez récentes avec l'Europe, hein, le Mexique, mais du coup la France, en tous les cas, se place assez bien. Et je pense aussi, on l'a déjà dit, nous, régulièrement, hein, précisément, parce que nous, on parle très souvent de ce rapport police-police, parce qu'il y a aussi précisément l'action depuis ça, bien avant finalement des rapports économiques fructueux. Il y avait depuis toujours une assistance en formation avec notamment des méthodes utilisées pendant la guerre d'Algérie. Et donc, du coup, il n'y a pas seulement les États-Unis qui ont vendu leur politique anti-insurrectionnelle. Il y a aussi les Français qui, en Algérie, ont expérimenté un certain nombre de choses. Et avec une organisation aussi de la gendarmerie, etc. Avec, du coup, la volonté de créer des corps ressemblant à la gendarmerie. Enfin, avec, du coup, toutes ces... du coup, la France, finalement, elle a plus que des intérêts économiques. Elle a des vraies relations. Oui, certainement, et pas seulement la France. Je veux dire, on peut revenir dessus, mais là, il y a eu, c'était, on a vu dans les médias que il y a pas mal de armes allemandes qui ont été utilisées par les policiers au Guerrero qui ont tué des étudiants. Je veux dire, c'est direct, et ça a à voir aussi avec quelque chose d'économique, parce que l'argent qui circule à travers les armes dans des pays en guerre comme le nôtre, elle est brutale. Et il y a des pays comme les États-Unis, comme l'Allemagne, qui ont tellement de pression économique dessus que du coup, leur gouvernement, il a du mal obligé de protéger. Oui, voilà, il est obligé de protéger les intérêts économiques. Et moi, je dirais que ce n'est pas exclusivement du domaine illégal. Parce que, je veux dire, les relations illégales économiques, elles sont comme le trafic d'armes dans des zones qui étaient théoriquement interdites, mais du coup, les armes arrivent là. C'est aussi des intérêts économiques légaux. Par exemple, il y a eu une série de réformes qui ont été menées par le gouvernement en cours. Donc, ça fait 2 ans qu'ils ont commencé. Des réformes énergétiques, notamment. Mais je veux dire, le président actuel, il était applaudi mondialement, vraiment comme un héros du Mexique. Ils ont tout vendu, ils ont vendu le pays. Alors, il y avait une réforme tributaire, il y avait une réforme éducative et il y avait la réforme énergétique qui a été vraiment le summum des réformes parce que du coup, le pétrole mexicain pouvait être ouvert pour les entreprises privées. Et ça, je veux dire, pour l'histoire du Mexique et la nationalisation du pétrole mexicain, c'était quelque chose de inconcevable il y a 10 ans. Tous les présidents, ils auraient bien voulu faire ça, mais c'était carrément impossible. Voilà, c'était un point intouchable. Et ce gouvernement-là, il a réussi à le faire. Donc, aux yeux de tout le monde qui était bien content que le Mexique continue à être avec eux. Ouvre la brèche en plus, hein, parce qu'une fois que le Mexique l'a fait, ben, là, d'autres vont pouvoir le faire. Hein. Ben, je crois que le Mexique, c'était un des derniers pays qui avait un régime aussi nationaliste envers leur pétrole, il me semble. Ouais, mais du coup, ils sont passés de tout à tout. C'est-à-dire que quand même, je veux dire, parce que si tu veux, du coup, là, ça a été vraiment radical comme passage. Et donc les liens aussi, par exemple, avec les mines de plusieurs métals au Mexique, il y a vraiment des intérêts très importants. Et le Guerrero, c'est un des États où il y a vraiment plein de ressources naturelles qui intéressent l'Europe, notamment l'Europe et les États-Unis, le Canada aussi. Le Michoacán, du coup, on pourrait dire que c'est une coïncidence, mais moi, je dirais que pas du tout. Les États où il y a le plus de violence, c'est les États où il y a plus de ressources naturelles. C'est sûr. Voilà, quoi. C'est sûr. Comme le Chiapas. Chiapas. C'est l'histoire des Chiapas. Mais quand ils se sont soulevés, les apatistes l'ont dit, on a l'État le plus riche en ressources naturelles et on est la population la plus pauvre, c'est-à-dire la plus délaissée, qui n'est pas allée à l'école, qui n'est pas soignée, c'est-à-dire que si les gens peuvent mourir et nous laisser toutes les richesses qui puissent être exploitées en toute tranquillité. Donc là, c'est sûr que le pays, de manière générale, est assez riche, effectivement. Hein, le Mexique, c'est un pays assez riche et donc les forces se démènent de toutes parts. On va bientôt se quitter parce qu'on voudrait justement laisser la parole à des familles victimes de la répression policière ici en France, puisque tout ça, on est solidaire avec le Mexique, parce qu'on y a des liens, ou aussi parce qu'on peut être scandalisé par justement nos politiques ici, et donc on peut aussi faire pression ici. Et qu'est-ce que on a oublié peut-être de donner quelques informations sur comment éventuellement on peut entrer en contact avec vous, et puis peut-être ce que vous auriez oublié que vous voulez absolument dire. On pense que notre rôle à l'étranger est très important, enfin qu'on a la responsabilité de garder les lumières sur le pays, de créer un malaise à l'international, qu'à partir de maintenant, quand on parle du Mexique, ça crée un malaise quand on parle de Poutine, quand on parle de la Chine, enfin, qu'on reconnaisse que c'est un État répresseur. Et donc, nous, on continue des actions dans la sensibilisation, l'information, la mobilisation. Et on essaye aussi de réunir de l'argent pour envoyer à ces familles qui essayent de résister, de rester en vie. Et pour ceux qui souhaitent se joindre à nous, on est sur un site, sur une page Facebook qui s'appelle Mexicanos en París por Ayotzinapa. Même si maintenant on n'est que des Mexicains, on n'est pas que des Mexicains, il y a des Latinos, des Français, il y a des gens de partout. Et maintenant, je représente ici, il y a un autre groupe qui est important, c'est Bordamos por la Paz París, ça fait partie d'un collectif au Mexique. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Internet. Oui, il y a pas mal d'actions qu'on essaye de faire ici, parce qu'on pense que même s'il y a une mobilisation très très importante au Mexique, la pression internationale est essentielle. D'un côté, parce que, je veux dire, c'est vraiment très, très évident. Il peut y avoir des centaines de milliers de personnes dans les rues à Mexico et la presse internationale, elle fait une couverture limitée. D'un autre côté, on est 200 à Paris et du coup, on est partout. Donc, on pense qu'on a aussi une visibilité assez importante. On a fait aussi des actions pour mettre un peu de pression à l'ambassade du Mexique en France, qui est évidemment... elle est mise par le gouvernement mexicain, donc c'est exactement la même chose et ils essayent de cacher un peu. Et je pense qu'une tâche assez importante qu'on a ici, c'est de vraiment gâcher ce qu'ils veulent faire avec l'image du Mexique à l'étranger. Parce que la plupart des campagnes de ce gouvernement-là étaient pour arranger l'image du Mexique. Et toutes les actions du gouvernement étaient dirigées de ce côté-là. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est on veut pas avoir une belle image du Mexique jusqu'à temps que le Mexique ne soit pas mieux. Nous, on va faire tout le contraire pour dénoncer ce qui se passe là-bas. J'ai lu récemment un document qui a été filtré de la stratégie médiatique des ambassades à l'étranger au Mexique. Et c'était vraiment grotesque ce qu'ils veulent faire pour un peu arranger l'image qui a été brutalement... salie. Voilà, elle a été brutalement salie. Brutalement salie, et ils veulent à tout prix la remettre. Moi, je veux seulement dire, vivant nous l'ont pris, vivant nous les voulons de retour. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. Gracias. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation à tous ceux qui luttent là-bas, de l'autre côté. Et ici, solidarité aussi avec ceux qui luttent ici. On va faire une micro-pause musicale. Et on sera ensuite avec des familles qui témoignent sur la répression, victimes de la répression policière, et qui témoignaient le mois dernier à la parole errante lors de la journée organisée contre la répression policière, justement. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci à Greg, à la technique, parce que souvent, je l'oublie. Alors, cette fois, c'est déjà fait, ça. Au moins, comme ça, c'est fait. Merci à Julie pour Camilla, tout et tout. En musique. Et on continue avec les interviews. À merci. Tout bientôt. On vous réinvitera et on est ensemble sur le terrain s'il y a des actions. Merci. Soldat de César, t'as pas saisi, ça va prendre des heures et des semaines et des mois. Tu patouches, ça fait plaisir, on va têche, ça va faire bizarre. Tu vas finir dans le bocage, à poil à crier. Aidez-moi. Playmobil, tout en bourg, Vietnam, Bérésina, tu vas te faire fumer à la tourbe. Arrête de casser des maisons pour rembourser ton crédit. SB, tu peux pas tester le triton crédé. T'as pas compris, c'est une arnaque, y'a pas d'avenir pour le tarmac. T'as vu ton pote et tombé de l'arbre. Oh, mesquin. Allez, retourne dans ta grotte, j'ai du Lesco. T'as du purin, t'as la terreau, tu t'es ridicule. Et ça t'esquinte. T'es le Robocop à l'assaut du potager. Fais gaffe, fais gaffe. Le fou rire c'est contagieux. Tu sens que ça monte, ça vient partout. Le mieux pour toi c'est de dégager. Non mais sérieux, barre-toi. Affamé du progrès en béton, ta gorge est Javel, Nord, nécropole. Vinci à ta table, César à l'écro. Des petits fours en forme d'avion, les boules de champagne en tête de gondole. Notre-Dame, bac à sable de la classe oligarchique. Zone à détruire, moyennant une grosse poignée de fric. Escadron, flashball, cravate en plastique, mange tes morts. Derrière au bocager, lance des pavés de terre, toujours plus fort. Notre-Dame des ravages, ne leur accordez pas de fous fuyants, car ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Notre-Dame du carnage, il n'y aura pas de place pour leur manège en béton. Paix mobile déchaînée, trop de population acharnée. Tire de compost à bout portant versus grenade lacrymogène. Le duel s'établit, pas de prière, mais des barricades à faire chialer Vinci. C'est là, c'est pour la salle, c'est pour les planches et de la pointe, c'est pour les cabas dans les arbres. Pareil que la France est sous zéro, les avions vont piquer du C. La vie c'est beau comme un pylône qui tombe. Ni qu'un rêve à rêve ainsi. Mais t'es arrangé à veille, pas à table à des insectes. Ni t'es acheté, ni t'es avé. La vie c'est beau comme une défaite de la machine invincible. Fuck off, comme un plug off. Celle-là c'est pour la salle, c'est bien contre des fusées. La France est sous zéro, les avions vont piquer du C. Ils sont partout nous aussi, ils sont partout nous aussi. Fuck off, comme un plug off. Celle-là c'est pour la salle. Fuck off, comme un plug off. Fuck off, ils sont partout aussi. Bonsoir. Mon fils a été tué et décédé le 5 avril 2014, donc ça fait 7 mois. Il a été coursé par 3 policiers. Et ils lui ont tenu la jambe et il est tombé du deuxième étage sur la nuque. Un autre policier a secoué par terre et il est tombé dans le coma. 4 jours et il est décédé. Aucune enquête, rien du tout à faire classer et ça s'arrête là. Et le policier continue à travailler et moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 1er avril 2014. Ma vie et celle de mes autres enfants. Voilà. Raymond Durem, et je vous remercie de voir qu'il y a un peu de monde, quoi, ça fait plaisir. Voilà, moi, il y a à peu près 2 mois, j'étais chez moi, en train de faire la sieste, parce que j'ai bientôt 90 ans, bon, je m'en pose un petit peu quand même. Et j'ai entendu crier dans ma cour, je me suis levé, j'ai voulu sortir de ma caravane. Au même moment, il y a un policier qui est arrivé, il m'a bousculé, alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'il venait faire. Il ne m'a pas répondu. Et j'ai dit, vous avez un mandat? Il m'a dit, ici, on n'est pas en Amérique. J'ai dit, moi non plus, je suis en France, alors qu'il sort de chez moi. Ça fait qu'il m'a bousculé, il a sorti sa matraque et il m'a matraqué dans ma caravane. Et après ça, il m'a jeté dehors. Et il a continué à me taper et il y a un deuxième policier qui est venu, il m'a mis un coup de pied dans la jambe pour me faire tomber. Et c'est là que mes enfants, ils ont vu, ils sont venus pour me défendre. Ça fait que il y avait une cinquantaine de policiers qui étaient là. Il y en a beaucoup qui ont resté dehors, mais il y en a qui sont rentrés. Ils ont sauté chez mes enfants, les ont matraqués, ils leur ont mis les menottes. Ils les ont emmenés, ils les ont traînés jusqu'au camion. Et de là, ils les ont emmenés au commissariat. Ça fait qu'ils ont passé au tribunal. Donc, ils ont été attaqués chez moi dans la cour. Ils ont été frappés dans ma cour. Ils sont retrouvés, rébellion, outrage de mort et ainsi de suite, leur principe de la police. Ils ont passé le tribunal, ils ont été condamnés à une amende et puis bon, le procureur, ils m'ont dit 6 mois de prison ferme. Enfin, ça c'est, ils ont eu une amende. Alors, il y a un de mes fils, il a dit, c'est malheureux quand même, d'être battu, ils nous cassent nos affaires, notre matériel, être battu et en plus, il faut payer. Alors, ça n'a pas plu à... Enfin, bon... Alors, ça fait que mes enfants nous ont fait appel. Les jeunes de la BAC, là, hein, ceux-là, ils veulent jouer les cow-boys, hein. Parce que, vous voyez, être chez soi, être attaqué par les flics, et puis être battu en plus, et puis après, il faut leur donner 10 sous, hein. Alors, faut que ça s'arrête, ça. Alors justement, moi j'ai allumé la flamme. Bon, maintenant, c'est aux jeunes de prendre la relève. Que ça finisse, cette histoire. Hein, on ne demande pas grand-chose, mais bon, aussi bien les Roms que tout le monde. Il n'y a pas de patrie, hein. On parle, c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi, comme on dit, hein. Moi, je parle pour tout le monde. Comme on voit, les pauvres malheureux, ils n'ont déjà rien à 6h le matin, ils les foutent dehors, hein. Ils ne regardent pas s'il y a des gosses, des femmes et tout ça. Et après, ces messieurs, ils sont là en train de rigoler pour dire. Ils sont contents de voir ce qui se passe. Hein, moi, j'ai fait un livre. Et j'ai marqué dans les Vichy qui a fait surface. Ils me disent que je les insulte. Mais je ne les insulte pas, je dis la vérité. Hein, c'est ce qui revient, là. Alors, je n'insulte pas, moi, j'ai la vérité. Et c'est pour ça qu'ils me veulent. Hein, j'ai commencé à prendre des coups de matraque à l'âge de 15 ans. Et j'en ai bientôt 90, ça continue. Hein, parce que moi, si mes enfants ne viennent pas, je serais peut-être mort alors que les coups de matraque que j'ai pris. Hein, alors que ça en finisse. Hein, ça fait des siècles qu'on le prend pour des boucs émissaires. Alors que le gouvernement donne un petit coup de pouce et qui change à peu près leur loi. Parce qu'ils prenaient loin, ils ne les respectaient pas. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on finisse quand même. 106.3, la jungle des luttes. On est, ben voilà, on est en train de terminer ce programme. Donc, je m'excuse, j'ai le nez bouché, c'est peut-être pas très agréable. En tous les cas, on vous retrouve le mois prochain. Le mois prochain, on parlera probablement beaucoup des rencontres qui ont lieu à la fin du mois, donc du 22 au 3 janvier au Mexique, puisque c'est les Apatistes et le CNI, le Congrès National Indigène, qui invitent les gens qui luttent à venir leur rendre visite sur plusieurs points, et donc pas seulement Mexico ou le Chiapas, mais aussi d'autres endroits. Donc on voilà, c'est le festival des résistances au néolibéralisme. Je crois qu'il me manque un mot. Mot capitalisme en tous les cas, pas au néolibéralisme. Donc voilà, un petit peu fatigué sur la fin du parcours, ça tombe bien, on se quitte, je vous retrouve le mois prochain. Vous pouvez nous réécouter jeudi à partir de 8h et sur le blog Jungle des Luttes, vous pouvez trouver tous nos programmes et nous rencontrer tous les mercredis à 20h30 au 33 rue des Vignoles où c'est une assemblée ouverte. Donc a priori, en général, on y discute de l'information, donc l'information liée aux apatistes, mais aussi de ce qui se passe au Mexique ou ailleurs. Et donc, c'est l'espace dans lequel se retrouvent différents groupes et différentes personnes intéressées au Mexique et à toutes les luttes. Notre objectif au comité, c'est de créer des ponts. Donc, c'est un petit peu aussi ce qu'on veut faire sur notre programme. Donc, essayer de créer des ponts entre différentes luttes et de pas seulement parler du Mexique et de pouvoir voilà voyager et d'en apprendre sur ce qui se passe ici et ailleurs. Donc, 33 rue des Vignoles à 20h30 tous les mercredis, l'assemblée ouverte et le programme l'agenda les luttes tous les troisièmes lundis du mois à 19h. Merci encore à Greg pour les petits montages et les ci et les ça, à Espoir Chiapas, aux copines du réseau Facebook et à toutes ces familles qui ont bien voulu témoigner à la parole errante. Et à Thomas qui n'est pas là, mais qui nous a aussi bien aidé tous ces derniers temps. Donc voilà, à tous ceux qui nous écoutent, merci. Et à bientôt, et on vous laisse avec le prochain programme. Ça déménage, je me dépêche vite, je leur laisse la place. Patria grita.